La notion naturelle, pour lui, n'est peut-être pas la même que le commerçant du bio, qui va mettre le produit bio en évidence, alors que pour lui, ça va être plus une référence à des valeurs ancestrales ou familiales. Je suis assez d'accord, mais effectivement, c'était peut-être le seul interlocuteur qu'on a eu qui a pu nous raconter l'histoire de ses producteurs depuis plusieurs décennies et qui nous racontait vraiment une histoire familiale et qui avait pas la même notion de bio et de naturalité que effectivement les labels qu'on nous propose actuellement, mais qui avait quand même quelque chose de patrimonial dans ce qu'il nous apportait. Il y gagnerait encore plus s'il allait chercher des produits où il est sûr de la qualité, où il va vers des petits producteurs, où il va vers des choses qui n'utilisent pas de pesticides ou pas d'insecticides pour fabriquer leurs fruits, ça c'est vrai que ce serait un... il y gagnerait en qualité. Et c'est vrai que lui, il a mis en avant toute la dimension vraiment artisanale où c'est la main en fait. Hein. Vous avez vu aussi, les critères vont dépendre des réseaux dans lesquels on s'inscrit. Le charcutier là, traiteur, il a réagi par rapport à sa communauté d'origine, qui sont les charcutiers traiteurs, la formation qu'ils vont avoir, la façon dont ils vont pouvoir pratiquer, parce qu'ils sont aussi pris dans des contraintes qui font qu'ils ont un idéal. Donc tout ça va rentrer en ligne de compte après dans la qualité qu'ils vont mettre en avant, mais qui ne va pas exister en soi en fait, et qui est vraiment dans un processus dynamique.